à moi et m'aime encore. C'est mon soleil, mon diamant, ma plus belle île au trésor. Son sourire m'a ensorcelé, je m'en souviens encore. On s'est promis d'être ensemble et cela jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Je peux pas lutter, elle est dans ma tête, je peux que l'aimer. Tous les jours, je peux pas lutter, elle est dans ma tête, je peux que l'aimer. Avec tout mon avancer comme une boussole qui ne voudrait jamais s'effacer. Elle connaît mes joies, mes peines et les épreuves du passé. C'est mon eau et ma fontaine et d'elle j'en ai jamais assez. Mais ne pleure plus, la vie te rend heureuse. Même si tu doutes que la route est sinueuse, le bonheur se blottit dans tes bras. Un amour que tu ne croyais pas. C'est l'éclaircie que j'attends, l'arc-en-ciel après la pluie. Elle est comme un grand feu de joie qui illumine ma vie. C'est la plus belle des saisons, mon océan et mes nuits. Près d'elle je suis aux anges, je connais enfin le paradis. Je peux pas lutter, elle est dans ma tête, je peux que l'aimer. Tous les jours, je peux pas lutter, elle est dans ma tête, je peux juste l'aimer. Avec tout mon amour,